Le sujet est explosif et terriblement actuel après les effroyables attentats de New York et Washington. Et bien des aspects de ce dossier sont choquants, sinon effrayants. De quoi s'agit-il ? Des relations qu'une démocratie, la nôtre en l'occurrence, peut entretenir avec le terrorisme ou les États terroristes. Car s'il est de bon ton de clamer haut et fort qu'on ne négocie pas avec des terroristes et qu'on doit tout faire pour les terroriser, la vérité oblige à dire qu'en de nombreuses occasions, les émissaires des gouvernements français successifs ont dû prendre langue avec des assassins ou des preneurs d'otages. Des prises de contact qui ont ensuite donné lieu à des remises de rançon ou à des livraisons d'armes clandestines, par exemple. Et lorsque les termes de ces contrats occultes n'ont pas été respectés, la réponse est venue terrible, sanglante. Nous allons donc revenir avec M. X sur cette question délicate et en particulier sur la décennie 1980-1990, au cours de laquelle notre pays a été confronté à plusieurs entreprises terroristes très violentes. Une fois de plus, ce que me propose mon interlocuteur, c'est de voir le dessous des cartes et de percer le secret des étranges relations que des hommes, agissant au nom de la France, ont nouées au fil de ces années avec des organisations terroristes. Contrairement à ce qu'on dit trop facilement, il n'y a pas d'attentat aveugle. Chaque bombe, même lorsqu'elle frappe des victimes innocentes, a une signification précise. Et le travail des enquêteurs, policiers ou agents des services secrets consiste d'abord à décrypter cet horrible message envoyé par les terroristes. Ouais, comment ? En tenant compte de l'objectif déjà ? Il n'y a pas que ça, même si ça compte. Mmh. Il est par exemple évident qu'à la fin de 1983, en frappant à la fois le TGV Paris-Marseille et la gare Saint-Charles, c'est au ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, que les terroristes s'adressent. C'est-à-dire le ministre qui est justement chargé de traquer les terroristes. Oui, mais enfin, il faut aussi tenir compte des dates. Certaines sont tragiquement symboliques. Elles célèbrent à leur façon un anniversaire. Ah oui, vous m'aviez déjà parlé de quelque chose de semblable lorsqu'il y a déjà longtemps. Nous avions évoqué la mort de Michel Barouin. C'est exact. Cet ancien dignitaire de la franc-maçonnerie a trouvé la mort dans le crash de son avion exactement un an, jour pour jour, après un attentat qui avait frappé un magasin de la FNAC. La FNAC qu'il venait de racheter. C'est ça. Et autre coïncidence troublante, ce pseudo-accident d'avion a eu lieu le jour de la Saint-Véronique. Or, la fille de Barouin s'appelait Véronique, et 9 mois plus tôt, elle avait trouvé la mort au cours d'un mystérieux accident d'auto jamais élucidé. En fait, m'avez-vous dit à l'époque qu'elle a été assassinée ? C'est ma conviction, en effet. Mmh. Et en évoquant cette affaire, nous croisons le chemin sanglant des terroristes dont je vais vous parler. J'ajoute, pour poursuivre mon idée, qu'un dernier élément doit être pris en compte pour décrypter le message des assassins. C'est la nature des armes et des explosifs utilisés. Un réseau peut signer une série d'attentats en utilisant toujours le même matériel. Et puis il y a aussi les revendications. Oui, vous avez raison, mais il convient d'être très prudent, car il existe dans ce domaine beaucoup de faunés. Oui, c'est-à-dire des organisations imaginaires. Oui, d'autres qui se dissimulent sous des sigles déjà connus. Pour égarer les enquêteurs. Naturellement. Il ne faut pas oublier que sous des appellations plus ou moins fantaisistes ou ponctuelles, il existe souvent des services secrets. Donc des États. Bien sûr. Et ces services spéciaux encouragent ou manipulent des terroristes. Puis disons-le tout de suite, c'est le cas dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Alors, venons-en aux faits, si vous le voulez bien. Oui, volontiers. Tout commence en 1980 avec le déclenchement de la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et rappelons que c'est l'Irak qui déclenche les hostilités. C'est exact. En septembre 1980, et c'est le début d'une guerre interminable qui va faire entre 500 000 et 1 million de morts. Or, nous, Français, allons être forcément très impliqués dans ce conflit. Oui, parce que nous fournissons des armes à l'Irak. Oui, l'Irak est l'un de nos meilleurs clients. C'est un pays avec lequel nous entretenons des rapports étroits. La France est d'ailleurs le seul pays occidental que Saddam Hussein n'ait jamais visité. Ah, c'était dans les années 70, Et alors que Jacques Chirac est Premier ministre. Saddam, enfin nous en avons déjà parlé, me semble-t-il, repartira en Irak avec la promesse que notre pays lui livrera une centrale nucléaire. Ouais, avec tous les risques que ça représente, je me souviens. Oui, mais pendant toutes ces années, nous vendons aussi aux Irakiens des quantités d'armes, certaines très sophistiquées. Et lorsqu'il le faut, nous puisons dans nos propres arsenaux pour fournir l'Irak. Je vous donnerai qu'un chiffre. En 1981, nos ventes d'armes à l'Irak ont atteint la somme faramineuse de 14 milliards de francs. L'arrivée de la gauche au pouvoir modifie quelque chose ? Pas du tout. Ça va continuer sous Mitterrand comme sous Giscard d'Estaing. Mais ce qui a changé, c'est que désormais, nous vendons des armes à un pays en guerre. D'une certaine façon, nous prenons parti. C'est évident, car nous ne contribuons à armer qu'un seul des belligérants. Ouais, et en face, il y a Roménie. Oui, et l'Ayatollah a déjà oublié que c'est la France qui l'a accueilli et protégé avant qu'il ne prenne le pouvoir en 79. Dès le début de la guerre irako-iranienne, une délégation quitte Téhéran pour Paris. Roménie met en garde le gouvernement français. Il l'accuse de partialité. Bien sûr, et en outre, il y a, vous le savez bien, le problème Eurodice. Oui, c'est-à-dire la coopération nucléaire entamée sous le règne du Shah. Oui, l'Iran, dans le cadre de cet ambitieux projet, nous a prêté beaucoup d'argent, 1 milliard de dollars. Et Roménie, non sans raison, insiste pour que le contrat soit respecté. Mais pas question d'aider les mollahs à se doter un jour de l'arme nucléaire. Évidemment, alors Téhéran réclame le remboursement du prêt. Mais est-ce que le régime des ayatollahs menace la France là? Ça y ressemble, mais cet avertissement ne se traduit pas dans les actes, pas tout de suite en tout cas. En fait, ce qui va précipiter la crise entre nos deux pays, c'est la décision du président Mitterrand d'accueillir en France deux des principaux opposants de Roménie. L'ancien président de la République, Benissa, et Massoud Rajavi, le chef des Moudjahidines du peuple. Comme nous avions accueilli plutôt Roménie. Hein, juste, enfin, je vous l'ai dit, l'ayatollah a rapidement oublié. Et pour lui, cette décision de donner asile à ces deux principales bêtes noires est une véritable provocation. Comment réagit-il alors? D'abord par quelques gesticulations, des manifestations anti-françaises en Iran et la menace de prendre en otage le personnel diplomatique de notre ambassade. Mais le premier signe vraiment inquiétant, c'est l'assassinat de notre ambassadeur au Liban. Ah oui, Louis de Lamarre, oui. C'est ça. Mais à l'époque, je crois me souvenir qu'on a accusé la Syrie. Et nos services secrets ont réagi violemment en posant une bombe à Damas qui a fait des dizaines de morts. Toutefois, même si la Syrie a joué un rôle dans l'assassinat de Delamar, il est presque certain que les services iraniens étaient aussi impliqués. Ouais. Est-ce que la position de la France va changer pour autant ? Non. Non, Mitterrand n'a pas l'intention de céder au chantage. Et dans la droite ligne de son prédécesseur, il autorise notre industrie à vendre massivement des armes à l'Irak. Et lorsque Tarek Aziz, le ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein, vient en France, il est reçu comme un précieux ami, ce qui horripile Roménie, vous l'imaginez bien. Ouais. C'est presque de la provocation. En tout cas, c'est reçu comme tel à Téhéran. J'ajoute un élément très important et qui pesera lourd dans ce dossier. C'est l'affaire Nakache. Nakache, le terroriste Anis Nakache. Oui, en 1980, à Neuilly, ce Libanais a dirigé un commando de 4 hommes chargés d'assassiner le dernier premier ministre du Shah, Chapour Bakhtar. L'attaque a échoué, mais les terroristes ont tué un policier et une femme. Un double meurtre qui leur vaudra une condamnation à la prison à perpétuité. Ce sont bien sûr les Iraniens qui ont téléguidé ce commando. Nakache et ses amis ont agi directement sur l'ordre de Roménie qui a prononcé une fatwa contre Bakhtiar. Ouais. Bakhtiar qui finira d'ailleurs par être abattu. Oui, en 1991, je crois. Mais enfin, revenons à Nakache. Ce terroriste qui a collaboré en particulier avec Carlos dans les années 70 s'est progressivement rapproché de l'Iran, des ayatollahs. Il est même devenu, paraît-il, l'un des intimes du fils de Roménie. C'est donc, en dehors même de son expérience de terroriste, un personnage important pour le régime de Téhéran. Et les ayatollahs demandent sa libération. Avec insistance. Ouais. Je vois mal comment les autorités françaises pourraient accepter de le libérer. Hein. Écoute, il y a eu des précédents. Souvenez-vous des 2 diplomates irakiens qui avaient tué 2 policiers français. On s'est contenté de les expulser. Et les autorités irakiennes ont versé des compensations financières aux familles des victimes. En outre, le président de la République a toujours la possibilité de gracier Nakache chez les membres de son commando. Ouais, mais il ne veut pas. Non. Donc si je résume le contentieux franco-iranien, il y a les livraisons d'armes à l'Irak, le problème Eurodif, l'asile offert à Banissad et Rajavi et l'emprisonnement de Nakache. Vous avez parfaitement résumé. Et comme sur aucun de ces 4 points le gouvernement français ne veut céder, l'Iran va passer à l'attaque. C'est-à-dire utiliser l'arme du terrorisme? Bien entendu. Car Roménie ne peut quand même pas déclarer officiellement la guerre à la France. Mais c'est une guerre souterraine qu'il va mener, une guerre particulièrement meurtrière. Entre 82 et 83, la tension entre la France et l'Iran ne cesse de croître. Voici par exemple ce que je lis dans le livre de Pierre Péan, « Manipulations africaines », ouvrage paru en février dernier chez Plomb. En 1982, la position de la France vis-à-vis des 2 belligérants du Golfe Persique se fige jusqu'à la caricature. Tarek Aziz revient à Paris le 4 janvier 1983 pour renforcer encore davantage les liens de l'Irak avec la France et pour rééchelonner la dette de son pays, quasiment en état de cessation de paiement. Succès sur toute la ligne. Les rencontres se déroulent dans un climat euphorique que décrivent abondamment les journalistes. La France décide même de prêter 5 avions super-étendards à Bagdad et d'entraîner les pilotes. Ce voyage fait monter d'un cran la colère des Iraniens, car non seulement Tariq Aziz a été bien reçu à Paris, mais il a de surcroît rencontré Rajavi, l'opposant en exil financé par l'Irak. Le premier ministre iranien appelait aussitôt à la disparition presque complète de la France dans cette région. Ce soutien, de plus en plus appuyé de la France à l'Irak, s'accompagne d'un discours très offensant pour l'Iran. L'Iran est devenu en effet l'épouvantail absolu dans le discours des dirigeants socialistes. Pierre Mauroy va jusqu'à voir dans le roménisme la cause principale des problèmes de la France avec ses immigrés, et Claude Cheysson parle du symbole que représentent les révolutions roménistes, symbole que l'on retrouve dans de nombreuses tentatives de déstabilisation. Dès 1982, la France est frappée par une série d'attentats. Une bombe dans le train Paris-Toulouse, une autre rue Marbeuf à Paris, un colis piégé devant l'ambassade d'Irak, et puis la fusillade rue des Rosiers dans le restaurant de Joe Goldenberg. Mmh. Il y a aussi des assassinats commis sur notre sol, un diplomate américain et un israélien, et aussi le directeur adjoint de l'OLP. Je me souviens qu'à l'époque, on a surtout accusé Carlos. Et Abou Nidal, le chef terroriste palestinien protégé par la Syrie. Donc c'était pas l'Iran ? Directement, non. Enfin, je ne crois pas. Mais le terrorisme... On vient malheureusement d'en avoir la preuve aux États-Unis, forme une véritable nébuleuse. Et il peut tout à fait y avoir des échanges de services entre ces divers groupuscules terroristes qui sont tous, il faut le rappeler, soutenus et armés par des États sans lesquels ils ne pourraient pas agir ni même exister. Ouais. Mais est-ce que les autorités françaises, à l'époque, ont conscience que c'est l'Iran qui se trouve derrière quelques-uns de ces attentats? Je le pense, oui. Nos services sont loin d'être inactifs. Nous avons de bonnes informations laissant entendre que les ayatollahs ont décidé d'intensifier les actions contre la France. Et c'est ce qui va effectivement se passer? En octobre 1983, oui. Nous venons alors de livrer 5 super-étendards à l'Irak. 15 jours plus tard, c'est le drame du Drakkar. Le Drakkar, c'est l'attentat de Beyrouth contre un immeuble abritant notre contingent. Hein. Oui, plus d'une cinquantaine de soldats périssent dans cet attentat au camion piégé. Mais nous ne sommes pas les seuls à être visés, les Américains aussi. Hein, exact, et ils paient un tribut encore plus lourd. Près de 250 Marines sont tués dans un autre attentat perpétré de la même façon. Ouais. Et là encore, alors, d'après vous, ce sont les Iraniens? Certainement. Les Iraniens qui agissent sous le couvert d'une organisation implantée au Liban, le djihad islamique, avec l'aide de la Syrie, comme d'habitude. Et si les Américains ont été frappés en même temps que les Français, c'est qu'ils représentent pour Téhéran le grand Satan. Ouais, la France étant le petit Satan. Ouais, c'est ça. Et après ce terrible attentat du Drakkar, nos troupes qui interviennent au Liban au sein de la force multinationale ne vont cesser d'être harcelées par le djihad islamique qui réclame notre départ. Et que peut faire la France alors dans une telle situation? Bah, pas grand-chose, malheureusement. François Mitterrand ordonne bien un raid de représailles contre une caserne de Baalbek censée abriter des militants islamistes. Mais le bâtiment est vide et cette action militaire ne fait qu'exacerber la fureur du djihad qui lance un ultimatum. Les troupes françaises doivent quitter Beyrouth avant la fin de l'année. Et pas question d'obtempérer, j'imagine. Naturellement. Et le djihad islamique réplique à sa façon en perpétrant ces deux attentats dont nous avons parlé au début de cet entretien. Ouais, c'est-à-dire à Marseille. Et dans le TGV Paris-Marseille. Et ça va continuer au cours du premier trimestre de l'année 1984. À Beyrouth, des Français, militaires ou non, sont victimes d'attentats. Toutefois, on peut espérer un apaisement lorsque le contingent français de la force multinationale quitte Beyrouth. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on cède alors devant les menaces terroristes? Non, non, mais un fragile accord de cessez-le-feu a été signé entre les principales factions libanaises, sous l'égide de la Syrie naturellement. Et le président libanais Gemayel a mis fin à l'existence de la force multinationale. Et ça calme effectivement le djihad islamique, ça? Pour le répit va être de courte durée, car les revendications des Iraniens demeurent. Et au cours de l'été, les Pasdaran... Les gardiens de la révolution, c'est ça? Oui, donc ouais. Les Pasdaran s'emparent d'un avion d'Air France sur le tarmac de l'aérodrome de Téhéran. Les passagers sont pris en otage et les Iraniens menacent d'en exécuter un chaque heure si Nakache n'est pas relâché. Ça vous montre, une fois de plus, l'importance que les Iraniens attachent à la libération de leurs terroristes. Mmh. On le sait, Nakache ne va pas être libéré. Non, il ne le sera qu'en juillet 1990. Ah ouais. Alors comment le gouvernement français s'en sort-il? Bien, des contacts directs sont établis avec Téhéran. Direct, c'est-à-dire à quel niveau? C'est le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui est aux manettes. Et le fait qu'il soit un ami personnel du président de la République donne incontestablement confiance à Téhéran, provisoirement en tout cas. Oui, mais je répète, là, que peut faire Dumas, puisque la France ne peut pas accéder aux revendications des Iraniens? Bah, il y a au moins un point qui est négociable. Attendez, Eurodif peut-être? Oui, officiellement, ouais. Ce n'est qu'une question d'argent. Officieusement Téhéran, à défaut d'argent, préférerait que la France respecte les termes du contrat passé avec le Shah, c'est-à-dire lui permettre d'accéder au rang de puissance nucléaire. Nucléaire militaire? D'abord civil. Enfin, une centrale, vous le savez bien, peut aussi produire le futur combustible d'une bombe. D'accord. Alors, revenons à cette négociation là, menée cette prise de contact, plutôt. Ouais. Enfin, vous jouez un peu sur les mots, là. Il fallait bien donner quelque chose aux ayatollahs pour qu'ils relâchent les otages de l'avion. Bah, j'étais pas sous la table, hein, mais le fait que Roland Dumas parvient à ses fins et les Pasdaran finissent par libérer leurs otages. Enfin, vous ne répondez pas, hein. Je pense que la question de Rodif a été abordée, c'est certain. Quant aux autres points, la libération de Nakache et l'expulsion des opposants iraniens, Dumas a dû laisser entendre que ces revendications pourraient être examinées dans le strict respect de la législation française. Ah oui, là, il se dessine une grâce présidentielle pour Nakache. C'est très possible. Et la cessation des ventes d'armes à l'Irak, hein. Ben, la donne avait changé. Avez-vous oublié l'affaire Luchère? Depuis quelque temps déjà, nous fournissions à l'Iran du matériel militaire. Clandestinement, bien sûr. Oui, mais clandestinement, mais avec l'aval des plus hautes autorités de l'État. C'est évident, oui. C'est donc une nouvelle fois l'apaisement. Alors, oui, pour peu de temps. Parce que les promesses de Dumas ne sont pas tenues. Et de Rechef, Téhéran menace. Et la nature de cette menace? Les Iraniens promettent des assassinats de Français. Pire. Ça nous replonge dans l'actualité immédiate. Ils menacent la France de faire exploser un avion au-dessus de Paris. Ah, ça veut dire que c'est une forme d'attentat qui trotte depuis longtemps dans la tête des terroristes. C'est certainement. Carlos a déclaré récemment que lui aussi y avait pensé. C'est le contraire, mais étonné. Mais c'est à une autre forme de terrorisme que les Iraniens et leurs séides libanais vont passer. La prise d'otages. Les premiers, on s'en souvient, s'appellent Marcel Carton et Marcel Fontaine. On n'a pas oublié les noms, non? Oui. Et leur enlèvement à Beyrouth en mars 85 est revendiqué par le djihad islamique. D'autres enlèvements seront attribués au Hezbollah. C'est juste. Mais c'est toujours l'Iran qui se trouve derrière ces organisations fortement imbriquées. Ce que l'Iran a toujours nié. Évidemment, il ne pouvait pas en être autrement. Mais les Iraniens reconnaîtront quand même qu'ils pouvaient exercer une influence sur ces terroristes. Un demi-aveu. Oui. Un peu plus tard, au mois de mai 85, je crois, ce sont Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat qui sont enlevés. Il se pose alors un grave problème au gouvernement français. Si on veut récupérer les otages vivants, il faut discuter. C'est-à-dire, soyons clairs, négocier avec ces terroristes. Ce qu'on sait en principe toujours refuser à faire. Même si on savait qu'en discutant avec les Iraniens, c'était en réalité avec les terroristes qu'on prenait langue. Ouais. Mais cette fiction permettait de garder la tête haute, en quelque sorte. Tout à fait. Alors on ne va pas renoncer à intervenir auprès de Téhéran, mais on va aussi essayer d'entrer directement et secrètement en contact avec les ravisseurs. Et un homme, un médecin d'origine libanaise, par ailleurs maire adjoint RPR d'Argentan, le docteur Rad, réussit l'exploit. À trois reprises, il approche les ravisseurs. Il peut donc savoir exactement ce qu'ils veulent. Essentiellement la libération de Nakache. D'autre part, les discussions avec Téhéran avancent. Et au début de l'année 86, on peut penser aboutir à un accord. Mais 86, c'est aussi une année électorale en France. Et les Iraniens vont en profiter de façon très machiavélique. Je reviens au livre de Péan, Manipulations africaines. Il semble en effet que, début 86, l'accord était proche entre Français et Iraniens. En même temps que la pression des intégristes pro-iraniens se fait plus forte à Paris avec les attentats de décembre 1985 contre les galeries Lafayette et le printemps, 41 blessés légers, Téhéran semble disposé à régler le problème des otages. Un accord est finalisé. Il reprend les déjà vieilles revendications de l'Iran. 1. Mise en route de la procédure de règlement du contentieux financier de Rodif. 2. Grâce présidentielle accordée à Anis Nakache. 3. Engagement moral pour une libération des quatre autres membres du commando Bakhtiar avant la fin du septennat. 4. Mise en sourdine de l'activisme politique des réfugiés iraniens en France. Le président de la République avait évidemment donné son accord sur tous ces points. Robert Badinter, le garde des Sceaux, préparait le départ de Nakache de la centrale de Clairvaux quand un incident survint. Nakache refuse de quitter seul la prison. Pour le convaincre, Mohamed Sadek, l'adjoint de Rafik Doust, chef des Pasdaran, vient secrètement à la prison lui dire que l'ordre émane de l'ayatollah Khomeini lui-même. Un calendrier de l'échange entre les otages et Nakache est mis au point entre Jean-Claude Couserans et Mohamed Sadek. Tout doit être terminé pour le 20 janvier 86. Expliquez-moi cette interférence de la politique intérieure dans cette affaire des otages. D'abord une chose, ces élections législatives sont capitales après 5 ans de pouvoir socialiste. Ouais, elles déboucheront d'ailleurs sur la première cohabitation. Exact. Il apparaît très vite aux compétiteurs que cette question des otages risque de peser sur l'élection. En effet, si le gouvernement arrive à obtenir la libération du Kaufmann et des autres avant que les Français n'aillent voter, il en tirera un avantage substantiel, vous comprenez? Ouais. Donc, pour l'opposition, il faudrait mieux qu'il échoue. C'est ça. Mmh. Ça me rappelle l'affaire des otages américains de l'ambassade de Téhéran. Hein. À l'époque, en 1980, l'équipe de Reagan avait négocié avec les ayatollahs et obtenu que les otages soient libérés après l'élection présidentielle. Ouais, moyennant quelques compensations. Évidemment. Eh bien, on va assister à une répétition de ce scénario. Ouais, tout même pas me dire que l'opposition d'alors, et donc Jacques Chirac, a demandé à Téhéran de ne pas libérer les otages avant qu'il n'ait conquis le pouvoir. Ah, je n'ai pas dit ça. Même si certains ne se sont pas privés de le dire. Donc, je pense en particulier à l'article d'une grande journaliste que vous connaissez bien sur France Inter, Kathleen Evin. Ayant eu connaissance de certains télégrammes diplomatiques, elle a affirmé que l'opposition avait fait aux Iraniens des propositions plus avantageuses que celles des socialistes. Ouais. Mais qui a pris l'initiative d'aller discuter directement avec les ayatollahs? Ah, je ne sais pas. Mais c'était Téhéran qui tirait les ficelles. Téhéran qui pouvait faire de la surenchère. D'autant que Jacques Chirac semblait assuré de la victoire. Ah, il était donc tentant de négocier avec l'équipe de celui qui serait le futur Premier ministre de la France. C'est ce que je pense. J'ajoute, pour être tout à fait juste, que Jacques Chirac et ses amis ont toujours nié la réalité de cette négociation, même si le Premier ministre de la cohabitation a reconnu avoir agi avant même son entrée au gouvernement. Agi, tiens donc. Donc pour vous, il paraît évident que l'Iran a essayé de manipuler nos hommes politiques. Sans cesser pour autant de mettre la pression sur la France. De nouveaux attentats secouent notre pays et 15 jours avant les élections législatives, c'est toute une équipe de télévision qui est prise en otage à Beyrouth. Avec Rochaud et ses amis. Oui. Ça. Mais ce nouveau gouvernement, donc le gouvernement de Chirac, hein, qui a peut-être fait des promesses aux ravisseurs ou à leurs tuteurs iraniens, obtient-il des résultats? Il faut rappeler que tout de suite après les élections, de nouvelles bombes éclatent dans Paris. Ces attentats, comme ceux de septembre 86, sont revendiqués par un mystérieux CSPPA, le Comité de soutien aux prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Et à l'époque, nous en avons déjà parlé, les enquêteurs privilégient officiellement la piste libanaise. Ouais, les frères Abdallah. Oui. Mmh. Et c'est seulement en 1987, grâce à une taupe, qu'on pointera le doigt sur Téhéran. Mais à mon avis, à Paris, on l'a compris depuis longtemps. Mais raison d'État oblige, on se garde bien d'accuser publiquement les Iraniens. Pourquoi? Bon, parce que les discussions se poursuivent avec l'Iran. Les tractations secrètes aussi. Jacques Chirac veut aboutir. Soir après soir, la télévision égrène le nom des otages. Et le nouveau Premier ministre sait que l'opinion publique est très préoccupée par cette question. En juin 86, premier signe, Massoud Rajavi et ses moudjahidines du peuple quittent le sol français. Volontairement? En principe, oui. Mais il est sûr que cet opposant iranien a dû faire l'objet de pressions insistantes. Ouais. Réaction des Iraniens? Deux otages sont libérés, mais il reste en suspens le contentieux de Rodif et la situation de Nakache. Sur Rodif, les discussions vont bon train. Mais la libération de Nakache dépend de François Mitterrand et de lui seul. Ouais, la grâce présidentielle. Oui. Or, Mitterrand, s'il n'est pas fondamentalement hostile au principe de cette grâce, veut au moins que tous les otages soient libérés d'un seul coup. Or, si on assiste à des libérations, c'est toujours au compte-gouttes entre deux attentats. Ouais, la carotte et le bâton. Hein. Et avec des compensations pour les Iraniens, là, à chaque libération. Ouais. Oui, vraisemblablement sous forme de livraison d'armes ou même de paiement de rançon. Mmh. Mais quand même, globalement, c'est l'échec. Hein. Assurément. Et la situation va encore se tendre après l'arrestation du réseau Fouad Ali Saleh, responsable des attentats de 86. Car tout désigne l'Iran, et particulièrement un homme, le porte-parole de l'ambassade iranienne à Paris, Wahid Ghorji. Mmh, Ghorji qui va lui aussi à sa façon devenir un otage lors du bouclage de l'ambassade. Et on parle alors de guerre des ambassades, puisque l'Iran réagit en isolant notre représentation diplomatique à Téhéran. Et finalement, ce conflit va se terminer par la rupture de nos relations diplomatiques avec l'Iran en juillet 87. Et le départ de Ghorji pour son pays, hein, dans de très curieuses conditions. Ça sera d'ailleurs l'objet d'un sérieux affrontement entre Chirac et Mitterrand lors d'un fameux débat télévisé. Oui, enfin, passons. Ouais. Ce qui compte, c'est que nous ne pouvons plus disposer de contacts officiels avec Téhéran. Alors, Pasqua prend les choses en main. Pourquoi Pasqua? Parce que c'est l'homme fort du gouvernement et qu'il dispose de raisons. Ah oui, on va même parler de Markiani. Bien sûr, Jean-Charles Markiani est un ancien du SDEC reconverti dans les affaires. Il travaille beaucoup avec une société installée en France, la Triacorp. Quel genre de société? La Triacorp est très impliquée dans les marchés mondiaux d'armement. Et son patron, Iskandar Safa, est un Libanais qui dispose de nombreuses relations aux Proches et au Moyen-Orient. Ouais, c'est pratique, en effet. Donc Markiani va essayer de prendre contact avec les ravisseurs, enfin, plutôt leur mentor grâce au contact de sa femme. Oui, oui, sur cette négociation, car il y a eu réellement négociation, on ne sait pas grand-chose. D'autant qu'un homme, le Cheikh Zayn, mène lui aussi des négociations, directement avec les ravisseurs à Beyrouth. Et qui est ce Cheikh ? C'est le chef de la communauté chiite en Afrique de l'Ouest. Il est établi à Dakar, ami personnel du président Diouf. Zayn est un homme très influent. Et il peut avoir des relations personnelles avec les ravisseurs, c'est-à-dire les hommes du Hezbollah, qui rendent compte à Téhéran, naturellement. Mmh. Est-ce que ces deux négociations, donc d'une part Markani, d'autre part le Cheikh, là, sont coordonnées ? Le ministère de l'Intérieur est régulièrement informé. Ah, et c'est donc Pasqua qui tient les rênes. Incontestablement. Mmh. Il se trouve dans la situation des socialistes en 86. Le ministre de l'Intérieur veut obtenir la libération des otages avant l'élection présidentielle de 88, où Jacques Chirac sera naturellement le candidat de la droite contre François Mitterrand. Mmh. Donc si je comprends bien, alors Markani discute plutôt avec les Iraniens, tandis que le Cheikh, lui, négocie à Beyrouth avec les ravisseurs. C'est ça. Et lors de la libération de Kaufmann et des autres otages au début du mois de mai 88, on assistera à une véritable compétition entre ces deux équipes. Et le Cheikh Zayn sera délibérément écarté. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui qui s'est le plus sali les mains en discutant directement avec le Hezbollah. En outre, Markani n'est pas fâché d'apparaître comme le seul responsable de la libération des otages. Toutefois, cette question peut paraître anodine au regard du seul point qui compte. Qu'a-t-on promis aux uns et aux autres pour obtenir que nos otages soient relâchés ? Vous avez une idée ? Je pense que les négociateurs ont promis que tout le contentieux entre la France et l'Iran serait résolu après l'élection si Chirac gagnait. S'y ajoutait, d'après ce que je sais, le versement d'une forte somme au Cheikh Zayn. Pour lui, personnellement ? Non, non, il n'était qu'un intermédiaire. Donc c'est le paiement d'une sorte de rançon ? Pourquoi pas ? Vous le savez, Chirac a été battu, ouais. Le nouveau pouvoir a essayé de savoir ce qu'on avait promis, mais il a échoué. Et à Téhéran, mais aussi à Beyrouth, on a commencé à s'impatienter. Parce que les promesses n'étaient pas tenues, c'est bien ça ? Entendu. Et en septembre 89, paraît à Beyrouth justement un article d'un journaliste très bien informé, Hassan Sabra, et l'homme qui a révélé l'existence de l'Iran Gate. Et cette fois, il affirme qu'il a reçu une lettre des ravisseurs de nos anciens otages. Lettre dans laquelle ils se plaignent que la France n'ait pas tenu ses promesses. 24 heures plus tard, un DC-10 du TA explose en plein vol au-dessus du Sahara. Et vous pensez qu'il y aurait un lien ? Je le crois. Mais l'enquête officielle a mis en cause la Libye. Alors, des Libyens ont sans doute été impliqués. Mais je vous fais remarquer que nous n'avions plus de différends avec la Libye. Non, les commanditaires se trouvaient beaucoup plus à l'est. Qu'en pensez ? C'est vrai que la coïncidence des dates est troublante. Et je me suis reporté à une interview recueillie pour Libération par Pierre Péan. L'interview de ce journaliste libanais si bien informé, Hassan Sabra. Première question. Est-il vrai que la France n'a pas tenu ses promesses ? Hassan Sabra. Les ravisseurs ont cru que libérer les otages était une bonne manière d'aider le gouvernement Chirac. Ils étaient sûrs que celui-ci tiendrait ses promesses. Dans les promesses non tenues, il y a deux points. Le premier concerne les 3 millions de dollars réclamés par le Cheikh Zayn. Le second est beaucoup plus important et se rapporte aux négociations faites en dehors du Cheikh Zayn entre Paris et Téhéran. Question. La publication de la lettre des ravisseurs la veille de l'attentat contre le DC-10 est-elle due au hasard ? Réponse. Je suis sûr que cette lettre est le dernier avertissement avant l'explosion du DC-10. Quand ils avertissent, cela signifie qu'ils sont sur le point d'effectuer une opération. Question. Vous pensez donc qu'il y a un lien entre la promesse non tenue au Cheikh Zayn et l'explosion du DC-10 ? Réponse. Je suis sûr qu'il y a un rapport direct entre le non-respect des promesses faites pour libérer les otages, y compris celles faites au Cheikh Zayn, et l'attentat. Dernière question. Qui a commandité et exécuté cet attentat ? Réponse de Hassan Sabra, l'Iran, qui a utilisé des gens du Hezbollah et du groupe d'Ahmed Jibril pour le réaliser.